Leçon 5. Prononciation, intonation, exercice 54. Suggérer. Écoutez. Si vous voulez parler l'espagnol, il faut apprendre à chanter. Répétez. Si vous voulez réussir, il faudra travailler dur. Si vous souhaitez passer le concours, il faut vous inscrire à la préparation. Si vous voulez qu'on se revoie, téléphonez-moi. Si vous voulez qu'on dîne ensemble, appelez-moi.